Selon le journal internet sud-coréen Jeju Sibo, le comité pour la promotion de la fondation du Parti de la Jeunesse a tenu le 8 septembre une conférence de presse devant la maison du traître John Doohan à Séoul et exigé de punir le traître qui a rejeté dans les soi-disant mémoires la responsabilité du massacre du soulèvement de Gwangju.